Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh my God. Et si tu comptes me la faire à l'envers, m'emmener vers le mauvais chemin, laisse tomber. Et si tu penses regagner ma confiance après ce que tu m'as fait, j'ai dit laisse tomber. Non, tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. Tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. C'est pas la peine de venir pour t'expliquer. Ce qui est fait est fait, je te laisse dans tes regrets. C'est pas grave, c'est la vie qu'on a décidé. Tu m'as tourné le dos, moi j'ai tourné la page. Tu perds ton temps de justifié. Moi j'ai des choses à faire, j'y vais. T'entendras plus parler de moi, je peux plus rien faire pour toi, j'y vais. Je te calcule pas, donc ne compte pas sur moi pour t'aider. Non. N'essaye pas. Et si tu comptes me la faire à l'envers, m'emmener vers le mauvais chemin, laisse tomber. Et si tu penses regagner ma confiance après ce que tu m'as fait, j'ai dit laisse tomber. Non, tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. Tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. Me dis pas que tu pensais que tout était réglé. T'es peut-être un proche mais t'es loin d'être pardonné. Même si je t'excuse je pourrais pas oublier. Tu viens te mettre dans un bourbier. Tu pourras parler. De toi je suis déçu et dégoûté. Tu souris jaune comme un smiley. Et tu crois que je vais t'écouter. Je te calcule pas donc ne compte pas sur moi pour t'aider. Non. N'essaye pas. Et si tu comptes me la faire à l'envers, m'emmener vers le mauvais chemin, laisse tomber. Et si tu penses regagner ma confiance après ce que tu m'as fait, j'ai dit laisse tomber. Non, tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. Tu me l'as mise une fois, pas deux fois, une fois, pas deux fois, non. Une fois pas deux fois.